sable au bord de la mer. Chars, chevaux, armées sans nombre viennent défier tes promesses sur la terre. Et tu dis la victoire appartient à l'Éternel.